écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 5 avril 2022 et c'est l'épisode 270. Dans cet épisode, on va vous parler d'Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et de SpaceX, comme on le présente. Il faudra peut-être faire évoluer un petit peu sa présentation parce qu'il s'empare un peu de Twitter, en devenant d'ailleurs un des actionnaires importants et en entrant au board du réseau social. Et puis d'ailleurs, on va parler de plusieurs réseaux sociaux comme Truth, hein, vous savez, on le prononce un peu Truth dans le podcast, le réseau social de Donald Trump qui ne déchaîne pas encore les passions, de Facebook Meta, avec notamment des choses vis-à-vis de TikTok, avec de l'influence comme ça auprès d'agences de relations de presse et d'influence. On parlera aussi un peu d'autres sujets, hein, qui tournent un peu autour de la guerre en Ukraine et des actions de la Russie face à l'accès à Internet. C'est devenu presque systématique maintenant. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, un peu enrhumé, mais toujours présent. Et j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau votre chroniqueur favori, celui qui... contrairement à moi, cette semaine, je crois, n'est pas enrhumé. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien. Voilà, j'espère que c'est pas trop contagieux. Écoute, j'espère pas. D'ailleurs, je me suis désinfecté les mains, j'ai ma réserve de mouchoirs. J'espère que les microbes ne vont pas passer à travers le micro et les oreillettes que vous utilisez peut-être en ce moment. Mais normalement, c'est pas ça. Et normalement, c'est pas le Covid non plus. Bon voilà, on n'est jamais sûr de rien par les temps qui courent. Normalement, ce n'est qu'un simple rhume. On va voir. Allez, avant qu'on parle ensemble de tech, juste un mot pour vous rappeler que c'est vous, auditeurs, hein, qui financez notre travail pour Tech Café. En contribuant à notre page Patreon, vous garantissez ainsi la diffusion de votre émission chaque semaine. Quoi qu'il arrive, j'allais dire. Et puis, vous profitez en plus de contreparties, des petits avantages, quoi, parmi lesquels le chapitrage des épisodes et un flux privé du podcast sans la pub. Pour contribuer, c'est super simple, patreon.com/techcafé. Et je sais, parmi vous qui nous écoutez là présentement, il y en a plusieurs. Alors, on va se mettre un petit peu entre nous là, quelques secondes. Je vous vois, hein, vous êtes plusieurs à vous dire « Oui, il faudra peut-être un jour que j'aille jeter un coup d'œil pour les soutenir. » Mais pourquoi un jour ? En fait, si vous y alliez maintenant, je suis persuadé que vous pouvez faire ça tout de suite pendant que vous écoutez l'épisode. Je suis certain que vous êtes nombreux à être convaincus du bien fondé de ce financement participatif. Mais que vous avez toujours mille autres choses à faire, hein, de plus urgentes, et c'est compréhensible. Allez, si vous preniez là tout de suite quelques minutes pour vous rendre sur patreon.com/techcafé, seule dérogation peut-être, hein, si vous conduisez en ce moment pendant que vous écoutez l'épisode, ne le faites pas tout de suite, vous êtes dispensé, mais sinon vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a un avis Apple Podcast aussi qu'on a recueilli, Guillaume, c'est Janaki72 qui dit « J'ai été agréablement surpris de tomber par hasard sur ce podcast, il y a beaucoup de travail et de recherche, les infos sont pertinentes et intéressantes, et tous ceux qui adorent la tech, je vous conseille vivement ce podcast, le format est au top pour vous écouter en voiture, en rentrant du boulot, on apprend des choses, et c'est ce que j'adore avec vous. » Bah écoute, nous ce qu'on adore, c'est de voir ce type d'avis, Janaki72, et donc n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, si vous partagez cet avis, à vous rendre sur les apps de podcast, il y a Apple Podcast, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, sur lesquels vous pouvez déposer des petites étoiles et des avis pour nous faire part de ce que vous pensez de l'émission. Guillaume, sans autre forme de procès, on va parler donc de réseaux sociaux, à commencer par l'actualité qui est chaude autour de Twitter. C'est pas le réseau social qui recueille le plus d'excitation d'habitude. Oui, on a des notions de désinformation, des notions d'influence, mais on n'en parle pas souvent sous l'angle de ces évolutions structurelles. On le sait, Jack Dorsey a quitté la direction de Twitter. Son ombre plane encore un petit peu dans l'orientation du service. Mais il y a un autre acteur dont l'ombre plane sur le service, c'est Elon Musk, Guillaume. Évidemment, Elon Musk. Et là où il y a Elon Musk, il y a de l'hype, hein, évidemment. Qu'est-ce que tu veux, Elon Musk, le troll le plus riche du monde et qui aime vraiment beaucoup Twitter. Alors qu'il promeuve une altcoin débile, qu'il défie Vladimir Poutine dans un combat de free fight, qu'il fasse des blagues anti-woke improbables, qu'il mêle Netflix, guerre en Ukraine et romance LGBT... Ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais, hein. En suivant le compte d'Elon Musk, ça c'est cool. D'ailleurs, le gendarme de la bourse américaine non plus, il s'ennuie pas, hein, puisque encore le 22 mars dernier, la SEC a insisté pour placer son compte sous tutelle, pour qu'il puisse continuer de dire des conneries sans manipuler le marché en faisant exprès ou pas de révéler des projets financiers. Bon, Elon troll aussi Twitter lui-même un petit peu, hein. Alors, le 24 mars, il a fait un sondage, il demandait si l'algo Twitter devait être open source. Sans surprise, 80% des répondants ont répondu oui. Le 26, Elon fait un autre sondage, sous-entendant que Twitter bridait la liberté d'expression. Enfin, pour être précis, il dit « La liberté d'expression est essentielle à toute démocratie fonctionnelle. Croyez-vous que Twitter souscrit rigoureusement à ce principe ?» 70% répondent du non. Le lendemain, il répond à un utilisateur qu'il songe sérieusement à créer un réseau social. Pourtant, lundi, on a appris qu'Elon Musk avait déboursé pas loin de 3 milliards de dollars pour acquérir plus de 9% de la valeur de Twitter, ce qui en fait un des plus gros actionnaires, en fait, le plus gros actionnaire, puisqu'en janvier... Alors, en janvier dernier, hein, quand j'ai regardé, les 5 plus gros actionnaires de Twitter, c'était Morgan Stanley, Vanguard Group, BlackRock Incorporated, State Street Corp et Lone Pine Capital. Ils avaient collectivement 30% des actions, et c'est que des énormes fonds d'investissement, tout ça, en fait. Hein. Morgan Stanley, c'est 2000 milliards de dollars de patrimoine géré. Bon. Donc, bon, par exemple, pour Morgan Stanley, ils ont acheté 73 millions d'actions Twitter, soit donc un petit peu moins qu'Elon Musk, qui vient d'en acheter 73,5 millions. Vanguard a 70 millions d'actions, BlackRock 52 millions, donc d'après les faux infos que j'ai pu trouver, ben oui, Musk se retrouve le premier actionnaire de Twitter. Alors il n'est pas actionnaire majoritaire de Twitter du tout, hein. S'il faudrait qu'il ait plus de la moitié des parts, mais c'est désormais lui qui a la plus grosse part, et je suppose que ça peut le mettre dans une position d'influence évidemment vis-à-vis du réseau, hein. C'est une nouvelle qui a fait exploser le cours de l'action de 25% à l'ouverture, et qui ne semble donc pas du tout inquiéter Wall Street. Évidemment, la question, c'est dans quelle mesure et dans quelle direction Elon va orienter le développement de Twitter. Alors évidemment, ce serait très étonnant qu'après tout ce cinéma, il se contente d'être un investisseur passif qui attend son petit dividende. Voilà, non, ça m'étonnerait. D'ailleurs, aujourd'hui même, il a encore demandé via son compte si les fans voulaient un bouton modifié. Le serpent de mer par excellence de Twitter, hein, le bouton modifié. Donc Andrew Bosworth lui-même a répondu en décrivant ce qu'il faisait sur Facebook. Alors Elon a répliqué que Facebook lui foutait la trouille, ce que j'ai pas vraiment très bien compris, mais je comprends pas toujours ce qu'il veut dire en fait. Donc c'est certain, il va vouloir peser sur l'avenir de Twitter, et si on avait des doutes, il va pas se lancer donc dans la création d'un nouveau réseau. Alors peut-être que l'exemple de Truth est suffisamment explicite, puisque Truth est un désastre pour l'instant, hein. Le réseau social lancé par Trump pour lutter contre la tyrannie des big tech est quasi au point mort, le réseau est toujours pas actif. Alors pour tous, en tout cas pas pour tous les utilisateurs qui sont placés sur une énorme liste d'attente qui doit avoir millions d'entrées. Incroyable. Ce qui est assez incompréhensible, hein, si on considère les moyens qu'ils ont, ils sont pétés de thunes et le fait qu'ils réutilisent le code de Mastodon et que donc ben, ils ont pratiquement rien à coder, donc je comprends pas. D'ailleurs Trump lui-même n'a pas trouffé. Il n'a pas trouffé une seule fois. C'est l'un des principaux dirigeants du... Il y a même deux des principaux dirigeants du réseau qui ont quitté le navire. Il y a le CTO, quand même, Josh Adams, et il y a aussi Bill Boozer, qui est chef du développement produit, qui se sont barrés. Bon, voilà. Donc le réseau décolle pas. L'action du SPAC, d'ailleurs, qui le chaperonne, enfin, qui le chapeaute comme ça, ne cesse de dégringoler. Donc voilà, bah, c'est pour ainsi dire, il est pour ainsi dire au fond du trouf. C'est beau, c'est bien géré. On va continuer à parler de trouf si on a des choses à dire dans les semaines à venir, ce qui n'est pas gagné parce que j'ai l'impression que le truc va doucement et lentement sombrer dans l'oubli en fait. On verra ce qu'il en est. Ce qui est intéressant, c'est de voir si Elon Musk, de par son action, va arriver à faire bouger le réseau social parce qu'il faut quand même aussi voir que bon, Twitter, comme tout bon réseau social emblématique, a plein de problèmes. Hein, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup des informations. Il y a aussi ce fameux article et cette étude que tu nous avais relayé qui expliquait pourquoi est-ce que structurellement, quand on est présent sur Twitter, on devient un petit peu un connard. Je vous invite à écouter les épisodes précédents. Évidemment, ne prenez pas cette affirmation au prix de la lettre et écoutez l'épisode plus tôt. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui restent frustrantes sur Twitter, moi qui suis... quotidiennement et qu'il utilise finalement beaucoup. C'est vrai que l'absence de boutons modifiés est ahurissante en 2022. Je sais qu'il y a des positions qui sont très fermes là-dessus en disant oui, mais si on laisse un bouton modifié, eh ben ça potentiellement il va y avoir des retweets et des partages de messages qui vont être sortis de leur contexte, ils vont être modifiés par la suite. Je pense que c'est vraiment pas un sujet. Les autres réseaux sociaux ont montré à quel point c'était possible de le faire sans être pire au niveau de la transmission d'informations. Il y a des manières de le faire intelligemment, de remettre du contexte. Bon, en fait, derrière ce bouton modifié qui peut paraître un petit peu emblématique de certains utilisateurs, il y a aussi, quelque part aussi, la rentabilité de Twitter, ce qu'il peut apporter en matière de service. Toi, est-ce que tu penses que finalement, Elon Musk, il va apporter du bien ou est-ce qu'il va apporter des éléments encore plus fantasques dans Twitter en ayant une part dans les décisions? Parce qu'il faut rappeler qu'au-delà de cette participation sous la forme d'action, il y a son arrivée au board là qui a été annoncée par le dirigeant de Twitter aujourd'hui. On n'en sait évidemment pas plus. Jack Dorsey s'est félicité de les voir bosser ensemble, tant mieux. Mais concrètement, est-ce que tu penses qu'il peut apporter des choses positives ou est-ce que c'est plutôt inquiétant selon toi? Non, bah, déjà, il faut voir qu'il n'est pas actionnaire majoritaire, hein, c'est un actionnaire parmi d'autres gros actionnaires. Donc s'il a envie de faire une connerie, mais que les gros fonds d'investissement qui sont peu primesautiers au demeurant, qui sont en face, ils n'ont pas envie, parce qu'ils restent quand même de très gros actionnaires, bah, ça ne se fera pas, tu vois, c'est tout. Je ne pense pas non plus qu'il faille croire que ça y est, c'est le réseau d'Elon Musk, il n'est pas propriétaire de Twitter, très très loin de là. Hein. Donc oui, il va probablement pousser peut-être à plus de pas, disons. Twitter, c'est vrai qu'il ne bouge pas énormément, tu sais, il ne change pas beaucoup, il ne change pas très vite. Après, il y a le CEO qui a changé il n'y a pas longtemps, qui voulait donc impulser une nouvelle dynamique. Et c'est peut-être plus ça, en fait, qui fera changer le réseau qu'Elon Musk, qui va probablement essayer de faire passer des trucs, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses. Et d'ailleurs, Twitter a déjà pris la parole pour dire que Elon Musk n'aurait pas de traitement de faveur, parce que c'était aussi, évidemment, une question. Tu utilises un réseau social dont tu es un actionnaire très important. Est-ce que ça va changer l'attitude du réseau si tu dis une grosse connerie? Est-ce que tu peux te faire déplatformer quand même ou pas? Twitter a assuré que oui. Après, évidemment, on verra si c'est le cas ou pas, mais pour l'instant, ça ne lui donne aucun privilège. En tout cas, ça va être scruté, hein, parce qu'en entrant au conseil d'administration, comme c'est annoncé, on pourrait imaginer qu'il pourrait avoir un rôle d'influence, une volonté d'influence, en tout cas, sur les décisions du réseau social. Nul doute que ça nous fera des futurs sujets dans Tech Café Guillaume, j'en doute pas une seule seconde. En attendant, on va continuer notre petit tour d'actualité autour des réseaux sociaux, à commencer par... Facebook, bon, on va vraiment parler du réseau social Facebook, dont l'algorithme... Un dernier point. En fait, j'ai parlé de Truth, et comme on parle de Twitter, il y a aussi une petite news que j'ai vu passer qui est intéressante, qui amène sur un site web que je trouve vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je voulais en toucher deux mots. C'est un site web qui a été fait par l'ASPI. L'ASPI, c'est... oui, je sais, c'est marrant. C'est ce qui nettoie chez toi, voilà. Bon, voilà, l'ASPI, exactement. Alors, l'ASPI, il a vidé le sac de Twitter, plutôt. C'est Last Try Strategic Policy Institute, donc c'est l'Institut australien de stratégie politique. Donc autant dire que là-bas, on ne discute pas des meilleurs match-up de Street Fighter V. Hein. C'est du sérieux. Ah bon, du sérieux. Okay. C'est du sérieux. Donc on parle de King Fighter 14 et, voilà, et aussi on parle de propagation de désinformation dans l'état du monde. De désinformation des États, en fait. Même si c'est pas forcément... Enfin bon, bref. C'est de désinformation, en tout cas, sur Twitter. Et donc, pour ce dernier sujet de la désinformation, en particulier la désinformation d'État, donc de la propagande, on pourrait dire, dans le monde, Twitter mettait à disposition donc des téraoctets de données, ce qu'ils appellent les Information Operations Archives, des données qui, d'après The Register, ne seront bientôt plus disponibles, d'ailleurs, mais qui regroupent des tweets du monde entier par centaines de millions. Et donc sur la page du think tank australien, on peut choisir le pays qu'on veut analyser. Il y en a 18, hein, dont l'Espagne, la Serbie, la Russie, la Turquie, Cuba, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Donc si on prend l'Espagne par exemple, on voit qu'en 2020, le Partido Popular a distribué 56 967 tweets via 259 comptes. Ça date principalement de 2019. On a un paragraphe d'explication de mise en contexte. Donc c'est un contexte espagnol, hein, c'est une campagne de dénigrement du Parti Socialiste au pouvoir, le PSOE. Le pays le plus cité, c'est l'Espagne elle-même, donc c'est une campagne vraiment interne. On a même une petite galerie de photos issues des tweets. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit les campagnes de désinfo et on voit voilà, plein d'informations dessus et même on les voit illustrées. Alors si on passe à la Russie, par exemple, bon, on trouve de l'activité qui est reliée à l'IRA. L'IRA, c'est l'Internet Research Agency, et aussi à d'autres acteurs d'État. Donc là, on est plus dans de la propagande d'État, tu vois, c'est vraiment, parce que l'IRA, elle est directement liée au Kremlin. Et cette fois, par exemple, c'est 754 000 tweets sur plus de 5300 comptes, donc c'est quand même pas mal. Là, c'est entre fin 2018 et tout récemment, en mars 2021. Et de manière assez rigolote, hein, le pays le plus cité et de très loin, c'est les États-Unis. Viennent ensuite la Syrie, l'Ukraine et la Russie. Et les hashtags les plus utilisés, on a aussi ça, c'est MAGA, MAGA le slogan de Trump, hein, Make America Great Again. Il y a Stop Importing Islam, QAnon, Islam, Ban Islam, et encore d'autres trucs en Islam, globalement. Et quant aux images, elles sont très intéressantes. Ouais, je vous encourage à aller voir ça. Je les avais pas vues. C'est des illustrations qui sont très très parlantes. Il y a un autre gros producteur, hein, c'est l'Iran par exemple, avec plus de 8000 comptes liés au gouvernement, plus de 2,7 millions de tweets qui concernent principalement Israël et la Palestine. Les pays les plus mentionnés sont encore les États-Unis, mais aussi le Pakistan, l'Israël, la Palestine. Et c'est marrant de voir qu'un des comptes les plus retweetés, c'est RT.com. Il y a énormément d'images anti-Trump par exemple, donc c'est... Et ce qui est marrant aussi, si vous voulez bien garder ça à l'esprit, c'est que Twitter est interdit en Iran. Donc tout ça, c'est de la propagande pour l'étranger. C'est comme en Chine. D'ailleurs, on peut finir en beauté avec la Chine. La Chine, ça totalise pas moins de 2 millions de tweets, plus de 2 millions de tweets sur presque 29 000 comptes. Donc là, c'est une campagne qui est entre 2019 et 2020. Alors, j'ai eu un peu de mal, je l'avoue, parce que les hashtags en chinois, merci bien, hein, mais bon. Donc, on a Hong Kong, c'est leur dada Hong Kong, hein. Mais on a aussi Guo Wengyi, qui est un milliardaire adversaire déclaré du régime chinois. Et après, il y a manifestation, un truc que j'ai l'impression qui est en rapport avec le mouvement contre l'amendement de la loi d'extradition de Hong Kong. Et un truc qui voudrait dire aux voyous, si je ne me suis pas planté. Donc ils sont très très focus Hong Kong, hein, sur la décrédibilisation aussi de Guo Wengyi, sur la supériorité chinoise par rapport aux US pour l'épidémie de Covid-19, et aussi les tentatives d'influencer les élections à Taïwan. Voilà, et tout ça, encore une fois, en Chine c'est pareil, Twitter est interdit, donc c'est vraiment un effort pour influencer l'opinion des Chinois ou d'autres gens à l'étranger. Donc c'est un site intéressant, donc vous avez le lien dans les notes, n'hésitez pas à aller voir le site de l'ASPI. Et par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les pays, ils ont choisi arbitrairement de sélectionner certains pays emblématiques de par leurs usages sur Twitter et sur les gros producteurs, des campagnes. Mmh. Ouais, c'est les plus gros producteurs. Ouais, alors l'Espagne, ouais. Bon, c'est un petit comparé, oui. Comparé comme à l'Iran et à la Russie, c'est un petit, mais oui, effectivement, c'est marrant. On peut souligner d'ailleurs que c'est un des fondements de Twitter, de quelque part rendre le moins difficile possible, je sais pas comment le dire, mais possible en tout cas, ce type d'analyse. Sur d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas cette capacité finalement à analyser de cette manière-là aussi, encore une fois, voyez mes guillemets, simplement ce type de campagne, quoi. Bon, justement, du coup, alors cette fois-ci, on va parler de Facebook. Oui, tu as bien vu, hein, que l'algorithme de Facebook a été pour le moins perturbé pendant plusieurs mois, et c'était clairement pas à l'avantage d'une information de qualité, j'ai l'impression, Guillaume. Ouais, complètement. Bah, là, il y a deux trucs qu'on pourrait qualifier quasiment de SMS. Hein. Il y a un truc, c'est scandale, y a ce que tu dis, méta y a de la semaine. Hein, le scandale méta de la semaine, évidemment. Donc, on parle de trolls, évidemment, avec Elon Musk. Mais figurez-vous que Facebook ne fait pas qu'héberger des trolls. Il en finance, et finalement, il en finance même pour son propre compte, parfois. Qui est la bébête noire de Facebook en ce moment? C'est TikTok. Qui lui souffle des utilisateurs en masse et en musique. Et ouais, c'est TikTok, exactement. Donc, en temps normal, c'est-à-dire il y a 2 ans, Facebook aurait fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il aurait racheté TikTok, ouais. Et puis voilà, quoi, l'affaire classée. Hein. Sauf que là, c'est 2022, les démocrates sont au pouvoir, l'antitrust, c'est super à la mode, et Frances Haugen, ça a tout balancé, il y a pas mal de politiques qui sont vraiment en pétard. Donc, racheter TikTok pour what milliards de dollars, c'est pas possible. Par contre, engager une boîte pour les dénigrer, ça, c'est pas de problème. Il y a plein de boîtes de com qui font l'habitude, enfin, qui font ça et qui ont l'habitude de le faire. Moins efficace, quand même. Bah, les candidats républicains, on utilise à toutes les campagnes. Ouais. Donc, bah, avec une certaine efficacité, apparemment, Targeted Victory, qui est une boîte qui est à l'intersection de la politique et du business, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, ils l'ont dit sur le site web, c'est tout un programme. C'est une boîte qui focalise, qui se focalise sur le support mobile, déjà, donc plutôt téléphone, et plutôt sur le niveau local, voire hyper local. C'est-à-dire à l'échelle de ton quartier, limite, de ta petite ville, mais aussi de ton quartier, quoi. Alors, le Washington Post a pu lire des emails des cadres de Target Victory sur la campagne que Meta leur a demandé pour dénigrer TikTok. Alors, c'est plein d'articles négatifs qui sont donc sortis dans les journaux locaux. TikTok est nocif pour la santé mentale des enfants. Il les incite à faire des défis débiles, dangereux ou illégaux. La Chine l'utilise pour accumuler des données sur les gosses, etc. Alors, dans le tas, bon, bah, tout n'est pas complètement faux, mais quand même, certains articles sont complètement faux ou incomplets à dessein. Hein, par exemple, le challenge Slap a Teacher n'a jamais existé, et le Devious Leak aurait commencé sur Facebook avant de s'étendre à TikTok. Mais ça, il se dit bien de le dire. Bon, on a des guerres de l'info ou de l'infox, finalement, à toutes les échelles, tu vois. Je veux dire, même entre les réseaux sociaux, dans des gazettes de quartier. C'est assez fou. Et donc, oui, tu disais, pour conclure à cette section SMS, hein, on peut mentionner que parfois, c'est pas la faute des trolls. C'est même pas la faute des erreurs de modération ou même d'un manque de moyens humains qui aboutit à des infox délétères qui polluent le flux d'actualité, hein, sur Facebook. Parfois, c'est juste des bugs. Voilà, ou comme les ingénieurs appellent ça dans leur langue concise et rigoureuse, un échec majeur de recommandation. Effectivement, c'est un échec qui a quand même duré 6 mois. En octobre dernier, il y a des infos poubelles qui se seraient retrouvées en masse dans le flux d'infos, alors que l'algo devrait au contraire les filtrer. Ils ont un mécanisme de downranking pour ça. Et alors ça s'est atténué, et puis c'est reparti, puis ça fait le yo-yo comme ça jusqu'au 11 mars. Pendant ce temps, ben, l'algo de temps en temps a laissé passer de la nudité, des posts violents, de la propagande russe, enfin. Et bon, alors la racine du bug date de 2019, Mais apparemment, c'était resté sans effet majeur pendant un bon moment. Donc, ils l'ont, je sais pas, évidemment, tu sais, si ça pose pas trop de problèmes, bah, surtout, tu le corriges pas. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais c'est ça. Donc, David Goodenough a laissé ça tranquillement là où c'était. Et puis, quand ça a commencé à couiller vraiment, bah, ça a fini par être corrigé. Bah, imagine la complexité du système de Facebook. Hein. Les bugs sont inévitables. Celui-là a quand même mis 6 mois à être corrigé, alors qu'il concernait quand même un des principaux cœurs de métier de la boîte. Mais bon, ça laisse songeur. Bah oui, puis ça lance songeur aussi sur le contrôle, enfin je sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais le contrôle qualité quoi. C'est-à-dire que j'imagine que tout ce qu'on peut penser de Facebook mis à part, je pense encore une fois au réseau social, vu le poids que ça peut avoir en nombre de visites, en termes de fréquentation, et j'en vois quelques-uns hein, qui nous écoutent et qui disent « Ouais, les jeunes se désintéressent de Facebook, etc. » Oui, c'est vrai, oui, ils se tournent vers d'autres plateformes, mais ça reste massif en termes d'audience et en termes de volume de visites en permanence mensuelle, Facebook. Et ça me laisse aussi songeur sur les capacités et les outils qui ont été mis en place pour mesurer comment se comporte l'algo et comment est-ce qu'il travaille dans le temps, quoi. J'imagine qu'avec un tel volume, ce serait intéressant d'avoir mis en place des indicateurs qui permettent de dire est-ce que le truc fonctionne bien ou pas, mais bon. Je suis peut-être très naïf parce que je vois ça de l'extérieur sans comprendre comment ça marche. On va essayer aussi de voir comment ça marche du côté d'un autre acteur qui diffuse de l'information avec, on l'a régulièrement dit, des biais, mais aussi quelque part un travail qui parfois peut être remarquable eu égard du volume d'informations qu'il y a à traiter, c'est celui de Google, le moteur de recherche, là on parle vraiment du cœur de métier de Google, qui va continuer à lutter contre les infox, Guillaume. Ben ouais, parce que, bon, au cas où ça vous aurait échappé, on est en pleine guerre de propagande, et donc c'est vrai que la fiabilité de l'info, ça devient crucial, quoi. C'est un enjeu plus crucial que jamais. Et donc, pour aider tout ça, Google met en place des nouvelles fonctions. Enfin, si vous parlez anglais pour le moment, mais ça va s'étendre. Donc, d'une part, si une info n'est que peu sourcée, il y aura une alerte. C'est-à-dire que Google vous dira de prendre le truc avec des pincettes, d'attendre un peu, le temps que ça soit confirmé ou débunké, hein, éventuellement. Il y a un autre signalement qui concernera des sources qui sont très largement citées, une petite pastille hein, pour me donner dire que c'est la source en fait d'un truc. Par exemple, l'article original d'une histoire qui a été reprise un petit peu partout. Donc ça permettrait de retrouver plus facilement une source. Alors ça ne dit pas que cette source est forcément fiable, cela dit, hein, mais ça favorise la visibilité du contenu original. Et donc évidemment, on peut se pencher aussi sur cette source, sur ce contenu original. Donc ça sera disponible partout dans les prochaines semaines. Et Google, donc ça je l'ai testé d'ailleurs, c'est Google propose aussi un moteur de recherche de fact-checking. Ça marche aussi bien en français qu'en anglais d'ailleurs, hein. Ça fait partie de la toolbox Google, c'est le Fact-Check Explorer. Donc par exemple, voilà, c'est vraiment un moteur de recherche, hein. Vous mettez dans le champ, là, vous mettez Poutine par exemple, et vous aurez la dernière sortie d'Hidalgo sur Mélenchon à propos de Poutine, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fausse au passage, mais bon. Et plein de trucs jusqu'à la fameuse poignée de main du 11 novembre 2018, hein, voilà. Donc c'est assez bien fait. Donc il y a ça, vous pouvez tester, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment, si vous avez un doute, vous pouvez essayer de trouver le truc là-dedans. Et donc Google finance aussi par ailleurs la lutte contre l'infox aussi, hein, dans le contexte ukrainien proprement dit par contre, parce que ça c'est vraiment général. Sundar a annoncé 10 millions lors de sa visite à Varsovie, donc voilà, en tout cas il finance aussi tout ça, c'est quand même pas mal. Je suis toujours pas au fait de ce qui est disponible vis-à-vis du moteur de recherche Google en Russie. Je crois savoir que c'est Yandex qui est majoritaire, mais qui n'a pas non plus écrasé les usages de Google. Non, est-ce qu'on a des infos sur les usages du moteur de recherche en Russie? Je sais qu'évidemment Google News, on l'a dit dans les derniers épisodes, n'est plus accessible, mais le moteur de recherche, il me semble qu'il est toujours accessible en Russie, et auquel cas je ne sais pas quel est son comportement par rapport à l'info qui est disponible. Je pense qu'il est toujours actif. Hein. On va enquêter, on va regarder, on va se pencher sur le sujet. Un autre point sur lequel on va se pencher ensemble, c'est notre petite chronique du qui s'étale depuis quelques semaines maintenant, voire quelques mois, de Joe Rogan sur Spotify. Alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois on parle de Joe Rogan? C'est que c'est un gros podcasteur et que bah du coup on est un podcast, alors on aime bien aussi, dans un comportement un peu nombriliste, regarder ce qui se passe du côté de ces gros podcasts. Spotify qui a pris vraiment, vous le savez maintenant, une tournure de plateforme, en tout cas qui veut utiliser créer cette tournure de plateforme pour diffuser du contenu, pour acquérir plus d'abonnés. Et les dernières infos, c'était quand même, Guillaume, j'en étais resté, moi, Joe Rogan continue à diffuser son contenu assez librement sur Spotify, contenu pour le moins sulfureux, mais quand même, il continue à le distribuer librement. Spotify avait malgré tout agrémenté quelques épisodes de mentions du style « Faites attention quand même pour de l'information autour du Covid, ça vaut le coup de recouper les sources ». Je l'ai traduit à ma manière, bien entendu. Mais Joe Rogan restait chez Spotify et on a du nouveau, ça change un peu, Guillaume. Ouais, on a du nouveau. Disons que bon, Joe Rogan pourrait-il quitter Spotify ? Probablement pas, en fait. Hein. Moi, je crois pas une seconde. Ouais. Je crois pas un instant que Joe rompe un contrat à 200 millions de dollars, hein, rappelons-le quand même. Mais bon, Joe, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est, il est entier, voilà. Donc, il met la pression comme ça au détour d'une phrase sur la plateforme qu'il héberge royalement dans une suite 52 étoiles en déclarant, je cite, « Si mon podcast devient différent parce qu'il est devenu trop important, j'arrête. Et puis, plus loin, si je dois le faire en faisant attention à tout ce que je dis, eh bien merde. » Fin de citation. Donc voilà, on peut plus rien dire. Je veux dire, on peut plus rien dire. Tu t'imagines, toi, si on doit faire attention à pas dire de conneries ou à pas insulter des personnes, mon pauvre, mais franchement, mais comment on va faire ? Comment on va faire des podcasts ? Faut quand même pas déconner. Comment, hein, comment on peut faire du podcast dans ces conditions de censure et d'intimidation dignes de la Stasi ? Je comprends pas. Bon, voilà, enfin, pourtant, c'est pas comme si Spotify avait vraiment fait pression sur Rogan. Hein. Il a dit au revoir à Neil Young, hein, au moment où l'autre a donné son ultimatum, et puis voilà, bon, il y a aussi un petit ménage de fait dans les épisodes, mais Rogan est assez clair, hein, il veut pas de modération du tout, et puis c'est tout. Et sinon, il arrête Spotify, il arrête le podcast, même peut-être, ah là là, bon, écoute, des promesses, toujours des promesses, on peut toujours rêver. Le pire, c'est que je suis assez convaincu, effectivement, que si jamais il était obligé de dire des choses sourcées, d'arrêter de dire des choses qui sont fausses, qui sont dangereuses, oui, ça remettrait en question probablement son ADN le plus profond, et donc ça le gênerait, j'imagine. Mais évidemment qu'il ne va pas quitter Spotify, qu'il ne va pas arrêter le podcast, on lui fait confiance. On va terminer ce tour d'horizon des plateformes, Guillaume, ensemble, avec Twitch. Twitch, quel environnement de qualité, quel environnement sûr, quel environnement fiable, quelque part aussi. On sait qu'il n'y a pas n'importe quoi qui circule sur Twitch. Ils sont assez rigoureux sur la surveillance en matière de contenu, notamment les contenus un petit peu olé-olé, jusqu'à ce qu'on voit des pages d'accueil dans lesquelles il y a des contenus justement olé-olé qui sont diffusés. Et mis en avant, Guillaume, qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, mais c'est fabuleux. Bah, faut dire que c'est un peu sa faute aussi. Twitch a eu une idée. Bon, tout le monde lui a dit que c'était une mauvaise idée, mais tu sais comment sont les gamins, hein, je veux dire. Tant qu'ils se marafent pas la tronche tout seuls en faisant une bêtise, ils se rendront pas compte que c'est une bêtise. Oui, c'est ma philosophie d'éducation. Et donc Twitch a mis en place. Merci. Et donc Twitch a mis en place le système Boost the Stream. Boost the Stream, qui est tout simplement une option qui fait payer pour booster la chaîne, donc améliorer sa visibilité. Donc voilà, tu peux acheter 1000 recommandations pour 99 centimes, etc. Fin 2021, donc il y avait déjà eu des tests qui concluaient à une efficacité douteuse, hein, tableau Excel à l'appui, de tout ça. Et effectivement, c'est assez difficile de voir comment des petits streamers qui n'ont pas un rond et pas beaucoup d'audience pourraient profiter d'une fonction comme ça. Pourtant, il semble que le Boost the Stream fonctionne, hein, finalement, puisque des gens se sont du coup retrouvés avec des chaînes porno sur leur page d'accueil. Un exploit quand même, hein, quand on sait que le porno est interdit sur Twitch, bien entendu. Donc apparemment, c'est des trolls qui créent des comptes, qui mettent du porno dessus et qui payent leur chemin jusque dans les pages d'accueil. Je m'attendais pas à ça, et Twitch non plus. Du coup, il a mis en pause la fonction Boost. Pas sûr qu'on la revoie, parce qu'apparemment, les trolls sont vraiment très très motivés sur Twitch. Ils étaient évasifs quant au retour de la fonctionnalité, mais effectivement, moi, je miserais beaucoup sur le fait que ça reviendra jamais. Tiens, d'ailleurs, on pourra peut-être faire un dernier clin d'œil sur les plateformes comme ça, type social media, pour parler aussi. Allez, juste une seconde, quand même, de Reddit avec la Pixel War qui était de retour. C'est un mouvement, une expérience qui avait été lancée en 2017 et qui est revenue là ces derniers jours. En gros, imaginez-vous, hein, si vous aviez un compte sur Reddit, vous pouviez toutes les 5 minutes changer un pixel, la couleur d'un pixel dans une image. Je crois que c'est de grosso modo 2000 pixels par 2000 pixels. Et donc, c'était assez rigolo de voir les plateformes, les Twitchers, les YouTubers, les influenceurs qui coordonnaient leur communauté avec des modèles pour arriver à imposer le visuel. C'était intéressant de voir ce qui se passait durant le week-end. Hein, il y avait Notre-Dame de Paris à un moment qui était mis en avant, qui a été mis en feu par la communauté espagnole. Incroyable. Allez, jeter un coup d'œil sur l'image qui sera restituée au final. C'est rigolo de s'imaginer que c'est l'image qui restera dans l'histoire comme étant celle que Internet a voulu représenter à un moment donné, comme ça, en ce mois d'avril 2022. T'avais suivi, toi, la Pixel War un petit peu, Guillaume? Pas vraiment, mais ça a l'air très marrant. Il faut que j'aille voir. Ça a l'air très marrant. En fait, le comportement, moi, je le voyais un petit peu en live du coin de l'œil de temps en temps, mais le mouvement est assez intéressant. Et ce qui est assez remarquable, c'est la force de la communauté française. Il y a une bonne colonne bien visible à gauche où il y a le drapeau français, il y a Zidane, il y a Thomas Pesquet, il y a l'Arc de Triomphe. Il y a cette fierté, cette culture française qui transparaît massivement. Bon, il y a un peu tout et n'importe quoi, forcément. J'espère pas. Non, j'ai pas vu Zemmour, je crois pas, en plus. Mais qui lui-même a évidemment essayé de récupérer le sujet sur Twitter en disant « Ah oui, c'est beau de voir la France qui... » Bon, bref. Voilà, allez regarder la Pixel War. Les articles sont très bien écrits sur ce sujet en général, sur les médias habituels. Vous aurez toutes les infos qui vont bien. On va changer de rubrique, Guillaume, pour parler, comment dire, c'est quoi le fil directeur? On va dire, c'est l'abus des utilisateurs, l'abus des usages. Hein, on va le rassembler sous cette grande étiquette. Ouais, et c'est sécurité informatique et un peu de censure, quoi. Voilà, allez, sécurité informatique et un peu de censure, le cocktail détonnant qu'on va commencer... à illustrer avec forcément ce qui se passe en Russie, parce que le Kremlin continue, Guillaume, à agir activement sur les services en ligne. Ouais, mais c'est pour venir aussi sur le fait que finalement, censurer Internet, on dirait pas comme ça, mais c'est pas si facile. C'est du boulot, hein, parce que c'est pas fait pour ça, justement. Donc actuellement, la Russie se referme, alors ça a toujours été un peu le cas, hein, mais là, le contrôle de l'information devient vraiment un enjeu capital, là-bas. Donc couper l'accès à l'étranger, filtrer ce qui se dit, ce qui se diffuse à l'intérieur du pays, c'est quand même un gros boulot. Alors le blocus informationnel se fait pas tout seul, hein, il faut des moyens humains et informatiques importants, et de l'argent aussi, et le Roskomnadzor a ordonné aux fournisseurs d'accès Internet de mener un audit en urgence sur leur capacité à continuer le filtrage. Et d'après certaines sources, tous ne sont pas techniquement en mesure d'appliquer le filtrage tel que l'agence gouvernementale le voudrait. Contre l'Internet, ça peut se faire de plusieurs manières, finalement. Donc, celle dont on parle souvent ici, c'est la plus simple, c'est le blocage au niveau des DNS. Hein. C'est celle qui est proposée pour couper le porno en France, par exemple. C'est assez simple, c'est même trop simple. Hein. Elle repose sur le beau vouloir de ceux qui ont des serveurs DNS, les fournisseurs d'accès, souvent. Et bon, ça peut facilement, ils peuvent facilement appliquer les règles, mais finalement, il y a beaucoup d'alternatives aussi pour l'utilisateur. Et après, il faut aller un petit peu plus loin, il y a le filtrage par liste noire. Donc là, en gros, c'est les routeurs qui ont des listes de sites interdits, il faut un reset de la connexion si on tente de s'y rendre. Parois, la liaison sécurisée est coupée, refusée que ça aussi. Et puis, il y a encore plus loin que ça, on peut inspecter aussi les paquets de données qui sont transmis en profondeur. Donc, c'est bien, sur Internet, toutes les données sont transmises par paquet. Ben, le truc, c'est vous interceptez les paquets, vous inspectez tous les paquets, et après vous en tirez, vous tirez des conclusions, vous savez ce que vous faites du paquet, si vous le laissez passer ou pas. Parce qu'après, on peut tout connaître, hein, de ce que vous envoyez. Déjà, si vous envoyez des trucs en clair, c'est dans le paquet, tout simplement. Donc les données d'un email non sécurisé sont dans le paquet. Il y a aussi des protocoles qui sont pas chiffrés, comme le protocole UDP, le protocole FTP aussi, qui est un ancien protocole, mais qui est encore utilisé. Mmh. Certaines mises à jour, d'ailleurs, ne sont pas chiffrées d'équipement. Il y a les requêtes DNS non plus, qui sont pas chiffrées. Et même si c'est chiffré, de toute façon, il y a toujours des métadonnées qui sont utilisées pour voir à qui tu te connectes, combien de temps, quel volume de données tu échanges, quel protocole tu utilises, sur quel port tu te connectes, effectivement, et puis voilà. Donc, bien sûr, il y a aussi tout ce que les sites ne chiffrent pas, parce que tous les sites ne chiffrent pas la totalité de la connexion, pas forcément. Donc, un site en HTTPS ne chiffre pas forcément tout. Et donc, avec une inspection minutieuse des paquets, on peut détecter et bloquer, par exemple, des services un peu, comme les services comme Tor, par exemple. Alors, évidemment, tout ça, c'est un coût, hein, parce que, des paquets, il en circule, un gros paquet. Et en une seconde, dans un pays, je t'imagine, quoi, le paquet de paquets qui circule. Donc, les inspecter tous, ça suppose une énorme infrastructure. Et même un système plus simple avec une liste noire coûte cher. La liste est généralement énorme, ça change tout le temps, elles doivent être mises à jour quotidiennement ou presque. Donc quand tu sais que ce sont les fournisseurs d'accès à Internet qui sont chargés, enfin, en tout cas qui en Russie étaient chargés de ça, et qui en Russie donc il y en a 3000, t'imagines la complexité du truc. Hein, c'est... Alors, en 2021 d'ailleurs, lors des manifs et de l'emprisonnement de Navalny, la Russie avait mis en place un nouveau truc qu'ils appelaient les TSPU. Alors c'est un truc en russe, hein, je sais pas ce que ça veut dire exactement. En tout cas, ce sont pas vraiment des firewalls, mais ce sont des filtres. Et ce sont des filtres qui, justement, inspectent les paquets en profondeur. Et surtout, il y a un truc qui était nouveau avec les TSPU, c'est que ils sont plus sous la supervision des fournisseurs d'accès Internet, ils sont gérés directement par le Roskomnadzor. Donc on voit qu'une sorte de CNIL russe, une sorte de super CNIL, si on veut. Voilà. Bon, peut-être qu'ils aimeraient pas trop que je compare, mais la CNIL voilà, aimerait pas trop. Une idée. La CNIL aimerait pas trop, mais bon, voilà, c'est juste pour donner une idée. Cette centralisation du filtrage marque un pas important quand même dans l'escalade de la censure comparé à la solution décentralisée d'avant. Alors d'ailleurs, les débuts du TSPU ont été un peu chaotiques, hein, puisqu'en mars 2021, le système devait brider Twitter déjà, mais il bloquait aussi tous les sites qui contenaient t.co. Et donc ça ralentissait plein d'autres trucs, dont bah, Microsoft.com par exemple. C'est complètement idiot. C'est quand même un peu dommage. Et donc fin février dernier, bah, ça marchait déjà mieux. Puisque voilà, depuis Twitter est virtuellement bloqué, totalement en Russie. Reste que la complexité du bordel amène à des sites qui apparaissent et qui disparaissent de temps en temps à un moment, puisqu'apparemment il y a le site Torrent Rootracker qui a été retrouvé débloqué suite à un problème, entre guillemets, hein, chez un fournisseur d'accès. Et avec les sanctions, bah, et le manque d'argent, et donc de fournisseurs de matos neuf aussi pour renouveler l'ancien, bah, il est pas exclu que la machine à censure russe puisse avoir des problèmes techniques, en fait, d'ici quelques mois, 4 à 6 mois, si rien ne change. Mais bon, ça, les choses peuvent changer, puisqu'après tout, Huawei cherche de nouveaux marchés. Hein. Donc, la Chine, d'ailleurs, si on parle de Huawei, la Chine a investi 20 milliards de dollars par an pour la sécurisation de son Internet. Pour leur grand firewall. L'Internet chinois, c'est un peu le rêve humide de la Russie. Est-ce qu'ils y arriveront? Peut-être, mais c'est plus compliqué, puisque la Chine a conçu son Internet déjà comme insulaire. Elle a conçu comme étant autosuffisant, en fait. Le réseau chinois, les réseaux chinois ou iraniens, par exemple, ont un petit nombre de routes internationales qui sont toutes détenues par l'État ou par des acteurs qui sont proches de l'État. La Russie, elle possédait en tout cas un réseau plus interconnecté avec tout le monde. En 2020, il y a Runet autonome qui avait été annoncé. Et en 2021 encore, on dénombrait quand même une multiplicité d'acteurs et un très grand nombre de routes possibles à l'intérieur du pays. Au plus il y a de routes possibles, au plus il y a de moyens de contournement, d'ailleurs, de blocage. Donc voilà, c'est moins organisé de manière complètement... voilà, comme un petit jardin, comme un walled garden, comme on dit à la chinoise. Alors, si Poutine a les moyens de continuer à couper la plupart des trucs, bah, la Russie pourrait aller rejoindre bah, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, au palmarès des splinternets, voilà, les internets coupés du reste du monde, voilà, pour un réseau mondial, oui, mais divisé. Ce qui est hyper intéressant, alors on parlait dans l'épisode précédent de Tech Café, l'épisode 269 avec Kassim, en ton absence Guillaume, on parlait un petit peu de cette capacité qu'avait eu la Chine très très tôt à créer des alternatives en matière de services, type réseaux sociaux, type plateformes d'échange, qui sont les siens et donc sur lesquels elle peut intervenir beaucoup plus facilement. Ce qui n'est pas le cas de la Russie, qui s'est très longtemps appuyée sur beaucoup de réseaux sociaux occidentaux, même s'il y a des feuilles contactées, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est que là... Non mais on c'est est... vrai, tu as dit... Pardon, on est sur ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait cette partie un peu stratégique, historique, mais il y a aussi, et donc de service, mais là, ce que je trouve hyper intéressant, et les articles que tu as mis dans les notes de l'épisode l'illustrent hyper bien, c'est qu'il y a des limites que moi, je n'identifiais pas, mais sur le plan structurel, sur l'infrastructure des réseaux. Et ça, moi, je pensais pas que c'était si compliqué et si coûteux. Notamment, j'ai relevé dans un des articles que tu mettais dans les notes de l'épisode que, en gros, il serait question de ressources qui permettraient de tenir la situation actuelle de verrouillage que de 4 à 6 mois pour la Russie. Évidemment, des chiffres à prendre avec de grosses, grosses pincettes, mais ça laisse presque place à une forme d'amateurisme, je trouve. Enfin, évidemment, toute proportion gardée, hein, Guillaume. Oui, oui, bah, oui, c'est ça, toute proportion gardée. Non, en fait, c'est vraiment un truc qui est fait à la base, quoi. C'est-à-dire que la Chine, dans les années 90, c'est que bon, la Chine, elle a commencé, enfin, son PIB a augmenté énormément dans les années 90, et si tu veux, du coup, ils ont pu concevoir un Internet avec... dont l'idée déjà de le fabriquer comme ça. Ça a été beaucoup plus graduel et beaucoup plus interconnecté. Voilà, il y a des raisons historiques qui font que c'est aussi comme ça. Et puis voilà, c'est pas le même. C'est très centralisé. La Chine est très très centralisée. Tu vois, par exemple, les moyens de filtrage, c'est des moyens qui sont centralisés, qui sont tous gérés par les mêmes par le même organisme. Alors que tu vois, c'était complètement décentralisé en Russie. Mais bon, après, voilà, ça veut pas dire qu'ils vont pas y arriver. D'ailleurs, bon, je sais pas du tout comment va évoluer la situation en Russie, voilà, avec la guerre qui, bon, déjà se déplace, effectivement. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas marrant, mais c'est vraiment pas marrant. Mais bon, du coup, est-ce que effectivement on va aboutir à un splinternet ou est-ce que, je sais pas, à un moment, Il y aura un changement politique, si tu veux, en Russie, qui fera que ça revienne un peu comme avant. Ça paraît tellement dingue, à ce stade, au moment où on se parle, début avril 2022, qu'il puisse y avoir un retour en arrière. Mais on regardera ça en tant qu'observateur. Évidemment, on sera là pour vous partager les observations à ce sujet. On va continuer ces mêmes observations, mais là, en se déplaçant un petit peu sur le terrain de l'Ukraine, Guillaume, où il y a Acid Rain, notamment, qui déconnecte les satellites. Oui, c'est un tout petit retour sur le piratage de Viasat qui a coupé Internet par satellite à plus de 10 000 personnes puisqu'on en avait parlé. Finalement, voilà, il y a plus d'infos. Donc c'était bien un wiper, donc un malware destructeur qui efface les données et qui a été baptisé Acid Rain et qui a été compilé pour la circonstance à destination des processeurs MIPS, des modems satellites. C'est du sur-mesure. Qui en est la cause. Donc c'est un peu du sur-mesure, effectivement. Malware très ciblé, dont un exécutable d'ailleurs s'appelle Ucrop. UKROP, et je l'avoue, ça, UKROP, ça me fait quand même furieusement penser à Ukraine Operation, non? Tu crois pas? C'est peut-être mon imagination, je sais pas. Mais bon, donc, apparemment, un truc effectivement très ciblé, et Acid Rain est proche à 55% de VPN Filter, donc c'est un malware de 2018 qui est attribué à un groupe qui est baptisé APT28 ou plus cute, Fancyber, qui est vraisemblablement lié aux renseignements russes. C'est pas concluant, bon, c'est un indice quand même. Acid Rain, c'est quand même le septième wiper associé à l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est loin d'être la pire attaque, hein, remarque, hein, puisque ça continue encore. Hein. Ukraine Telecom, qui est un des plus gros FAI du pays, a été mis par terre par une grosse attaque la semaine dernière. Donc NetBlocks a noté une perte de connectivité progressive, qui est typique d'une attaque, et donc pas d'une panne matérielle. Donc voilà, il n'y a pas... Donc petit à petit quand même, il y a quand même des cyberattaques majeures sur l'Ukraine qui arrivent petit à petit. Ouais, on disait au début qu'on les identifiait pas forcément dans un premier temps. Il y en a un qui arrive petit à petit, ça continue d'arriver, ouais. Ok, on va parler un peu de lapsus aussi, et ça vous en avez peut-être vu passer des éléments parce que ça a été pas mal relayé là aussi dans les médias, pas forcément uniquement dans les environnements technophiles, parce que l'image emblématique qu'on peut avoir c'est celle de quelques jeunes en sweat à capuche qui créent des gros problèmes avec beaucoup d'ingéniosité, Guillaume, mais j'imagine évidemment que c'est très partial comme vision. Ah bah lapsus, c'est un petit peu le new kid in town des gangs de cybercriminels, quoi, je veux dire. Et encore, donc effectivement, le mot kid est très adapté puisque deux membres du gang viennent d'être arrêtés en Angleterre. Ils ont 16 et 17 ans. Alors, la justice anglaise est plus cool que la justice américaine pour les mineurs, heureusement pour eux. Enfin bon, encore la semaine dernière, donc lapsus se vantait d'avoir volé 70 gigaoctets de données à Apple via les serveurs de Globant. Alors c'est pas la seule victime, Apple, il y a aussi DHL, BNP Paribas, Facebook, C-SPAN et j'en passe. Lapsus, il est très célèbre pour avoir beaucoup utilisé, voire popularisé, des techniques pour forcer les authentifications à deux facteurs. Et donc ça, c'est intéressant de revenir dessus, je pense, parce que c'est de plus en plus courant et recommandé. Hein. Vous savez certainement ce que c'est, les authentifications à deux facteurs. C'est que, très simplement, vous vous authentifiez deux fois. La première fois, c'est d'une manière normale, hein, genre ID, mot de passe. Et ensuite, une deuxième authentification qui est d'un autre type. Vous vous identifiez d'une autre manière. Par exemple, en renvoyant un SMS avec un code à usage unique. En mettant un code à usage unique qui vous est envoyé par SMS. Ou par message vocal, ou alors par une appli dédiée où vous appuyez sur un bouton, voilà, ce genre de truc. Ça peut être aussi un périphérique spécial, d'ailleurs. Ça peut être un lecteur biométrique, une clé USB de sécurité. En gros, c'est un deuxième mode d'authentification qui est différent du premier. Et ça, c'est très bien, évidemment, ça renforce largement la sécurité du compte. Mais c'est pas parce que c'est très bien et que c'est déjà bien sécurisé que c'est pas pour ça que les hackers ne peuvent pas essayer de forcer le passage quand même. Et Lapsus, il est célèbre pour ça, mais c'est pas lui qui a commencé. En fait, Cozy Bear, l'an dernier, s'est intéressé aux méthodes d'authentification à deux facteurs courantes, par exemple, celle qui appelle l'utilisateur et qui lui demande d'appuyer sur une touche. Pas le téléphone. Hein. Donc, vous vous loguez avec votre mot de passe, et vous recevez un appel qui vous demande d'appuyer sur le 8, par exemple, avant de pouvoir vous connecter. Figurez-vous que si vous harcelez quelqu'un en rappelant le gars toutes les 5 secondes pour appuyer sur une touche, il va finir par le faire, surtout si c'est au milieu de la nuit. Alors ça marche aussi si c'est une application tierce qui demande d'appuyer sur un bouton. Et de manière assez surprenante, la technique du harcèlement fonctionne pas si mal que ça. Parce qu'il n'y a pas de limite au nombre d'appels qu'on peut passer. Donc le hacker peut appeler des dizaines de fois. Lapsus s'est même vanté que ça a marché sur des employés Microsoft. Et il y a des variantes de la méthode qui existent. Une variante, par exemple, c'est l'usure. T'appelles deux fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce qu'une requête soit finalement acceptée. Ne serait-ce que par automatisme. Utiliser une volée de techniques à la fois aussi pour qu'au moins une soit acceptée. Il y a évidemment, il y a toujours la bonne vieille méthode de se faire passer pour le service technique. Évidemment, ça marche toujours. Mais bon, en gros, tant que l'appareil sur lequel on se log et l'appareil sur lequel on demande l'authentification sont différentes, ben on peut tenter des méthodes un petit peu comme ça. C'est pas le cas hein, si on utilise une double authentification sur la même machine, par caméra, biométrie, par clé ou ce que vous voulez. Dans ce cas-là, il faut hacker la base de données d'utilisateur même. C'est pas forcément impossible, mais c'est quand même pas le même challenge. En tout cas, si un jour vous êtes harcelé sur votre téléphone pour une authentification alors que vous vous loguez pas, ne croyez pas que c'est un bug. Hein, c'est peut-être une tentative de piratage. Mais de manière générale, restez hyper vigilant et ayez du sang-froid, ayez confiance en vous-même parfois aussi. Je sais qu'il y a pas mal de tentatives qui vous sollicitent, où on essaye de vous intimider, de vous convaincre qu'en face, vous avez des personnes qui savent mieux que vous. Oui, vous êtes peut-être aguerri, mais moi, je vous dis que je suis le service technique, faites-moi confiance, j'ai besoin de ce code. Vous avez le dernier mot, personne ne vous obligera jamais à donner des chiffres que vous n'avez pas envie de donner. Donc, gardez ça pour vous, évidemment. Et surtout, ce message, propagez-le à votre entourage, parce que je suis à peu près persuadé que vous qui écoutez Tech Café, vous êtes aguerri à ce sujet, mais peut-être que votre entourage, parmi les plus seniors, parmi les plus jeunes, ne sont pas forcément toujours tous au courant qu'ils ont droit à avoir leur dernier mot hein, quand on les sollicite comme ça. Et puis pour terminer cette revue de hacking quelque part, une démonstration à la fois fascinante, simple mais effrayante de comment exploiter alors les méthodes d'identification dans un site web. Vous savez, par exemple, se loguer avec Google ou avec Apple ou même payer avec PayPal, ces boutons qui vous ouvrent une nouvelle fenêtre et qui vous permettent de simplifier vos usages quelque part. Guillaume, c'est pas forcément rassurant cette histoire. Ben ouais, parce que bon, nous, voilà, vous écoutez Tech Café, donc vous faites attention à, en général à ce que vous avez, tout, c'est très bien. On espère. On se croit un petit peu au-dessus de tout ça, on se dit c'est bon. On va pas nous la faire. Alors, je vais vous parler effectivement d'une petite combine, maligne, pour vous voler vos identifiants de connexion. Ça c'est encore une. Bon, le scénario classique, c'est un bon phishing, un hameçonnage réussi. C'est vous faites pas attention, vous cliquez sur un lien, ça ressemble très pour très à une vraie page dont vous avez l'habitude, à un minuscule détail près que vous remarquez pas et hop, ça y est, c'est fini. Voilà, vous avez dové vos identifiants à un site malveillant, c'est fini. Alors évidemment, encore une fois, si vous êtes comme moi, vous pensez que vous êtes immunisé à ce genre de truc, vous avez confiance dans vos yeux laser pour opérer chaque détail qui cloche. De toute façon, l'URL qui a marqué, c'est pas exactement la même, ça doit se voir, quelque chose doit bien être différent et repérable, n'est-ce pas ? Eh ben non. Même pour les vieux routards aux yeux de lynx myope comme moi, il existe une technique dont la fourberie n'a d'égal que la subtilité et qui utilise les spécificités, comme tu disais, de OAuth. Donc c'est comme ça que ça s'appelle en fait. On a tous trop de comptes, hein, c'est un fait. C'est pour ça que ce genre de truc existe. C'est un système qui permet de s'authentifier avec son compte Google ou Apple ou Facebook, voilà, sur un autre site qui n'a rien à voir. Et ça se passe de manière très simple, vous allez sur le site, vous cliquez sur un truc, s'authentifier avec machin, ça vous ouvre une fenêtre de navigateur où vous identifiez. C'est simple, c'est clair, il n'y a rien de plus à en dire, sauf que, imaginez que ce que vous voyez n'est qu'une illusion. Après tout, ce que vous voyez là, l'URL qui est écrite, la fenêtre, tout ça, c'est des pixels, c'est des données graphiques, alors pourquoi pas tout reproduire en HTML et CSS. En fait, le principe est simple au fond, vous avez un site qui sert de leurre, un truc qui est bien présenté, qui propose l'authentification via Google. Sauf que quand vous cliquez dessus, c'est pas une nouvelle fenêtre de navigateur qui s'ouvre. C'est un graphique HTML et CSS qui ressemble très pour très à une fenêtre de navigateur, URL comprise, petite ombre au-dessous dessinée comprise. Vous êtes pas sur un autre site en fait, vous en avez l'illusion, mais vous êtes toujours sur le site leurre, et c'est lui qui récupère votre identifiant Google. C'est vil, c'est fourbe, et ça a déjà été utilisé au moins une fois de manière répertoriée en 2020 avec Steam. Et là, évidemment, si tu contrôles l'URL que tu vois dans la fenêtre, ça suffit pas parce que l'URL, c'est la bonne. Alors, heureusement, il y a une parade. Parce que la fausse fenêtre peut être déplacée en plus, hein, c'est vraiment une fenêtre. Donc elle peut être déplacée, mais comme c'est une composante de la page d'origine, elle ne peut pas être déplacée au-delà de la page d'origine. Ce qui fait que la fausse fenêtre ne peut pas, par exemple, recouvrir la barre d'adresse du navigateur, vous ne pouvez pas la remonter jusqu'en haut du navigateur. Donc la parade, c'est donc d'essayer de déplacer la fenêtre pour voir si elle recouvre tout votre navigateur jusqu'en haut, comme une autre instance de votre navigateur doit pouvoir le faire. Donc bien sûr, il faut continuer à vérifier l'URL et tout comme avant, mais désormais, il faut aussi déplacer comme un malade les fenêtres de tous les sens pour être sûr qu'on n'est pas en train de nous arnaquer. Oh, on vit vraiment une époque formidable. Oui, on est obligé de faire des singeries pour tout et n'importe quoi. Ça me fait penser à ces CAPTCHA là, de Google où on nous demande ouvertement de repérer les passages piétons, les trucs comme ça. Il va falloir faire des pieds et des mains maintenant quand on veut simplement s'identifier sur un site. Bienvenue en 2022. Allez, on va passer à la rubrique jeux vidéo, Guillaume, avec une nouvelle un peu triste, mais on est habitué maintenant maintenant depuis quelques années, un événement qui n'aura pas lieu cette année, donc l'E-Cube 2022, cet événement tourné autour des jeux vidéo, Guillaume. Bah, l'E-Cube 2022 a été annulé. Alors les plans avaient été annoncés pour que ce soit un truc exclusivement numérique à la place de l'événement physique, et mais finalement l'ESA a confirmé que le salon n'aurait pas lieu du tout. Alors bon, voilà, le porte-parole a déclaré que l'E-Cube reviendra en 2023 de manière revigorée. Ouh. Voilà, donc en gros, ils prennent une année sabbatique et donc ils vont revenir en pleine forme. Je pense que c'est l'idée. Bon, il n'y aura pas d'E-Cube du tout, ce qui est effectivement un peu triste. Après, il y a le Summer Game Festival qui va toujours, qui sera toujours en place. La Gamescom devrait aussi revenir cette année quand même. Et MC, la PAX East, donc il y aura quand même de quoi s'occuper, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Bon, voilà, il y en a qui se posent la question déjà sur est-ce que l'E-Cube reviendra ou reviendra pas. Bon, probablement que oui, mais c'est vrai que ça va faire un petit peu dommage. C'est bizarre, hein, cette ambiance globale. On va parler aussi un petit peu. Alors, on en a pas eu beaucoup pendant cette campagne des élections présidentielles là en France. C'est assez régulièrement qu'il y a des initiatives originales sur le plan de la tech, des dispositifs en ligne portés par un candidat. Là, j'en ai pas vu particulièrement, mais quand même, un serveur Minecraft à la gloire de la candidature d'Emmanuel Macron, Guillaume. Ouais, ça c'est encore un moment où le métavers se prend les pieds dans le tapis et se ramasse la gueule. Mais aussi en même temps, bon, je veux dire, oui, effectivement, Emmanuel Macron a créé un serveur Minecraft pour sa campagne, et dedans il y a quelques bâtiments, dont le Palais des Congrès, dans lequel on peut aller pour écouter, enfin en tout cas pour supposément écouter le meeting d'Emmanuel Macron. Alors le but c'était de séduire les jeunes, évidemment, parce que les jeunes jouent tous à Minecraft. Lutter contre l'abstention des jeunes, tout ça, bon, c'est relativement, enfin c'est plutôt une bonne idée évidemment. Le problème, c'est que Minecraft, c'est un jeu dans lequel tu peux pas retransmettre de voix. Enfin, c'est pas un truc de visioconférence, quoi. C'est-à-dire que si tu as un serveur Minecraft, eh ben, il n'y a pas de possibilité. Le client Minecraft standard, hein, n'a pas la possibilité de faire passer de la voix. Or, un meeting, ben, c'est un peu un truc où il y a un mec qui parle et tu l'écoutes. Et si c'est pas possible dans Minecraft, en tout cas, pas possible dans un Minecraft qui soit non modé, ben, pourquoi tu fais ça? Donc, évidemment, l'idée, c'était simple. Hein. En fait, tu es allé dans la salle du Palais des Congrès, il y avait un lien, donc dans le chat, qui en fait était désactivé, qui ne servait qu'aux administrateurs du serveur, tu avais un lien, tu cliquais sur le lien, ça ouvrait automatiquement une fenêtre YouTube. Et donc, quand tu avais une fenêtre YouTube en fond, bah, tu entendais le gars parler, et puis tu voyais son avatar gesticuler devant. Mais en fait, quelle est la valeur ajoutée? Tu pouvais pas parler aux autres gars qui étaient là. Le mec, il gesticulait, mais derrière, t'avais les sons de YouTube, bah, donc t'as qu'à aller voir sur YouTube. Je veux dire, il est mieux dessiné sur YouTube que dans Minecraft, hein, le manu. Donc, je vois pas du tout quelle est la valeur ajoutée. Je pense que les gens qui sont allés n'ont pas très bien compris non plus quelle était la valeur ajoutée du truc. Et c'est dommage. Je veux dire, à la limite, si t'as pu tout faire sous Minecraft, si t'avais... c'était possible en plus, hein. Il existe des modes qui permettent de diffuser de l'audio. C'est tout à fait possible. Il y a des modes qui permettent de faire il faut un client spécial, du chat ou pas positionnel. Mais effectivement, il faut un client modé. Donc ça, ou alors, il y a des plugins et tu dois passer par un truc web, soit il y a des mods, effectivement, donc il faut un client modé, et bon, eux, ils ont un serveur modé, mais évidemment, si tu as un client modé, il faut que tout le monde télécharge le client spécifique. Donc ça limite un petit peu l'accessibilité du truc, évidemment. Mais bon, là, c'est complètement con. Je veux dire, tu vas à un meeting où quelqu'un parle, avec un logiciel qui ne retransmet pas la parole. Je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas trop quoi. Je pense que l'initiative derrière, elle n'est pas tant dans l'expérience que dans le fait d'avoir des articles qui partagent la notion même d'un Emmanuel Macron associé à Minecraft pour un côté original, pour un côté je parle aux jeunes, pour un côté... Même si dans les faits, ce n'est pas convaincant, quelque part, je pense que le rayonnement que ça peut avoir dans les médias doit remplir une bonne part de l'objectif du dispositif. Mais, et il n'était même pas en ray tracing. Il était même pas en ray tracing, alors que pourtant, tu m'as bien appris, là, je me rappelle d'épisodes d'ailleurs de Paraculte qu'on avait fait autour de Minecraft, où il était question de qualité graphique de Minecraft absolument dingue, et même des images de Minecraft avec du ray tracing, donc incroyable rendu avec les raies de lumière calculées. Mais tu sais que ça devrait arriver, mais est en ray tracing. Encore. Mais alors, il est en ray tracing sous Windows, sur PC. Et ça, alors, bon, ça c'est vraiment un truc que je ne comprends pas depuis que Microsoft a repris. Bon, Microsoft, je veux dire, ils ont des moyens, tu vois. Déjà. Mais ça fait des années et des années que Microsoft a le que Minecraft a le même rendu graphique. Je ne comprends pas pourquoi des vrais shaders n'ont pas été inclus ou des trucs du type Optifine n'ont pas été directement inclus dans le jeu. Ça me dépasse. De même, il y a une version de Minecraft qui est compatible au ray tracing, Minecraft RT qui est uniquement compatible avec les GeForce RTX, ce qui est une immense connerie. Enfin, je veux dire, Microsoft a teasé à un moment un Supa Dupa Graphic Pack il y a des années de ça maintenant, hein, qui n'est jamais arrivé, j'ai jamais compris pourquoi. Et alors là, ce qui est magnifique, et ça devait arriver sur console, c'est pas arrivé, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi sur PC il faut avoir une RTX pour avoir droit à du ray tracing et pourquoi on peut pas avoir des shaders moins, moins sophistiqués, mais quand même beaucoup plus beaux que le rendu de base sur PC, alors qu'on peut très bien avoir ça en modant son truc en deux minutes. Pourquoi c'est pas directement dans le jeu de base? J'ai jamais compris. Et là, il y a encore un autre truc qui me sidère, c'est que Microsoft a une console qui est donc ray tracing capable, hein, qui est capable de faire du ray tracing, c'est quand même un des points sur lequel ils le vont, tu sais. Et ils ont Minecraft RT sur Windows qui fonctionne très bien. Là, on a vu débouler une preview de Minecraft avec du ray tracing sur Xbox Series XS. Et ben là, ils l'ont viré, ils me disent: ah non, c'est une erreur. Non, on n'a aucun plan, on va pas le sortir, c'était une erreur. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que vous attendez pour améliorer le rendu de votre jeu phare? Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Donc, bon, je comprends pas. Je veux dire, ça l'est même à tel point que même Doom est en ray tracing aujourd'hui. J'ai vu ça. Un jeu d'il y a 30 ans, Guillaume. Eh ouais, alors, il y a Doom. Alors, Doom, c'est un jeu qui a été... Alors, le code source de Doom a été ouvert il y a longtemps, hein, par id Software. Par Karma, qui a distribué il y a longtemps, donc le premier id Tech, il a les autres aussi, d'ailleurs, jusqu'au 4, je crois. Et donc, ça a été réimplémenté une pelletée de fois, Doom, hein. Donc, dont un des trucs, c'est PBR Doom, qui supporte les mods, effectivement. Et puis là, donc, il y a une réimplémentation de Doom qui utilise les cartes RTX pour faire Doom en ray tracing. Donc, ça veut dire que c'est Doom avec des ombres ultra pro. Voilà, ça donne à Doom une... Wow. Une ambiance qui est proche de celle de Doom 3, en fait, c'est-à-dire qui est très très sombre, avec beaucoup d'ombre, beaucoup de trucs. C'est assez marrant, c'est beaucoup moins lisible, en fait, c'est peut-être même un peu moins jouable, mais il y a une atmosphère qui est largement meilleure. Bon, je suis à peu près persuadé que tu peux obtenir un truc très très approchant avec des shaders beaucoup moins complexes que du ray tracing. Mais voilà, c'est rigolo, c'est voilà, la prouesse est marrante. Et donc voilà, on se retrouve avec un truc comme Doom, qui a 30 ans et qui a du ray tracing. Minecraft, non. Je comprends pas. C'est un choix curieux de Microsoft et ce ne sera pas le premier, ce ne sera sans doute pas le dernier. On va continuer à parler un petit peu de Microsoft avec sa proposition phare dans les jeux vidéo, qui est l'abonnement que vous connaissez, hein, le Game Pass. On a relayé, j'ose même pas le comparer au Game Pass, mais la proposition de Sony qui ne s'appelle plus Spartacus puisque ce n'est plus un nom de code, mais les nouveaux formats d'abonnement à PlayStation Plus. Je vous invite là aussi à écouter l'épisode 269, mais Microsoft pendant ce temps avance avec une proposition de valeur assez simple et plutôt convaincante, je trouve, un Game Pass familial, Guillaume. Ouais, alors c'est pas encore, attention. Oui, c'est pas annoncé, pardon. Oui, voilà, Windows Central a dit que Microsoft préparerait et s'apprêterait à annoncer un Game Pass familial. Ça va, c'est tellement évident que ça va venir. Écoute, en tout cas, voilà, ce serait un accès complet à l'ensemble du Game Pass pour 4 personnes supplémentaires. Donc pour 5 personnes au total, qui serait bien moins cher que l'achat de 5 Game Pass distincts. Pas forcément limité au même foyer en plus, hein. Je suis pas complètement sûr. Donc je vais pas dire tu me diras comme c'est pas annoncé, on va pas dire bêtises, mais oui, a priori ce serait pas. Enfin bon, à voir. Mais... Voilà, pour l'instant, ils disent on n'a rien annoncé, voilà, non, c'est pas bon. Ce serait évidemment une réplique très très puissante, on va dire, vis-à-vis de Sony. Puisque bon, c'est vrai que. Du coup, si 5 personnes peuvent bénéficier du Game Pass à, je sais pas moi, $30 ou un truc comme ça. Mais même $50. Ce que ça donne, quoi. Même $50 limite, bah, t'imagines ce que ça fait, quoi. C'est... Ouais. Donc, ça serait encore un. Voilà. Alors, c'est marrant comme ils se font la guerre à coups d'offres de plus en plus séduisantes pour nous, quoi. Donc, c'est assez sympa. Ouais, bon, y en a un qui est plus convaincant que l'autre quand même en proposition de valeur, mais bon. Pardon. On va parler un petit peu aussi de Fortnite avec un chiffre, 144 millions, Guillaume. Voilà, bah c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. De toute façon, Epic annonce que donc à 2 semaines de collecte, ils ont eu 144 millions de dollars, donc 131 millions d'euros. Comme prévu, c'est la plus grosse contribution évidemment du jeu vidéo, enfin du secteur du jeu vidéo à ce jour, quoi. Même s'il y en avait déjà eu pas mal, hein, puisque Itch.io a récolté 6,37 millions, Humble Bundle a récolté plus de 18,76 millions. Donc j'avais parlé de ces deux offres, par exemple. Donc voilà, bah, tout ça se rajoute, donc, évidemment, le poids lourd, le gros poids lourd, 144 millions de dollars pour l'Ukraine, relevé par Fortnite, voilà, ça montre la puissance du jeu vidéo dans son ensemble et de Epic en particulier. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas grand chose à leur reprocher, parce que parfois, tu sais, tu as des mouvements de générosité sur des grandes causes très visibles qui sont masqués derrière des entourloupes commerciales, etc. Là, c'est quand même une grosse somme et... J'ai l'impression que c'est assez factuel, assez indiscutable. Donc bon, on applaudit. Un dernier mot dans le monde du jeu vidéo avec la proposition d'AMD Super Resolution Fidelity FX qui arrive sur console, Guillaume. Voilà, le FSR 2.0 pour les intimes, dont on a un tout petit peu plus d'infos. Donc, on sait toujours que c'est un algorithme qui est donc plus évolué que le FSR 1.0, mais qui est aussi plus gourmand, puisque ce truc-là utilise non seulement les couleurs de l'image, mais aussi la profondeur de chaque pixel, mais aussi les motion vectors, c'est-à-dire il déduit la vitesse à laquelle les pixels bougent en fonction, à l'aide de la frame qui est, donc de l'image qui est juste avant. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de calculs à faire, et que ces calculs, si vous voulez 60 images par seconde, vous avez qu'un temps limité et fixe pour le faire. Ce qui fait qu'en fait, là, ça demande beaucoup plus de calculs à la carte graphique, et que donc, vous ne pouvez pas faire de l'upscaling dans toutes les résolutions avec toutes les cartes. Même si c'est une solution donc FSR2 qui reste open source et qui reste complètement agnostique, qui fonctionne aussi bien sur les GeForce que sur les Radeon, et qui fonctionnera d'ailleurs aussi sur les consoles de jeux Xbox Series X de manière certaine, ça a été annoncé, ça fera faire partie du GDK. Par contre, ça fonctionnera, alors ça n'a pas été annoncé sur PlayStation 5, mais c'est très probable que ça vienne aussi, puisque Forspoken l'utilisera et que c'est un grand titre PlayStation 5, donc ce serait très étonnant que ce ne soit pas utilisé aussi sur PlayStation 5. Donc le FSR va être utilisé aussi sur console, donc ça c'est une excellente nouvelle. Les nouvelles images que j'ai pu voir montrent d'excellents rendus. Enfin, c'est vraiment très bon. Enfin, je trouve que c'est vraiment très bon. En plus, ça fait l'upscaling et l'anti-aliasing en même temps, en une seule passe, on va dire, à vrai dire. Ce qui est, je trouvais ça assez convaincant de ce que j'ai pu voir, même si c'est que pour l'instant sur Deathloop, donc on peut pas vraiment considérer que ce soit... il faudra quand même voir d'autres exemples. Par contre, les cartes graphiques nécessaires pour faire l'upscaling, c'est un petit peu plus lourd. Par exemple, si vous voulez passer en 1440p, vous devrez, si vous avez une GeForce par exemple, vous devrez avoir au minimum une GeForce GTX 1080. Et si vous voulez faire de l'upscaling 4K, il vous faudra au minimum une GeForce 2070. C'est beau, ou une Radeon 5700. Alors c'est quand même pas mal. Ça s'explique par le fait qu'il y a quand même beaucoup de calculs à faire sur chaque image, et ça en un temps qui est toujours extrêmement limité pour préserver évidemment la fluidité du jeu, quoi. Donc c'est un petit peu plus lourd, et c'est aussi c'est une meilleure qualité. On n'a rien sans rien, ma pauvre dame. Merci Guillaume pour cette revue sur le monde du jeu vidéo. J'allais dire on reviendra dessus dans le cadre d'un épisode week-end, mais même pas. On va reparler un petit peu de processeurs et de composants, mais pas forcément de jeux vidéo. Et de toute façon, l'épisode week-end arrivera dans quelques jours, mais en attendant, je voulais évidemment vous remercier d'avoir écouté cet épisode de Tech Café. Merci aussi de votre tolérance quant à mon niveau de disponibilité au niveau de la voix et intellectuelle, alors que je suis un petit peu enrhumé. Ça s'est mieux passé que je ne le pensais, mais j'espère que ça ne vous a pas trop pénalisé. Merci beaucoup Guillaume pour ta revue, pour cet épisode et la préparation de cette émission. Est-ce que tu peux tout simplement nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, Guillaume? Dans Minecraft, mais en sans silence. Sans retracing. Et en silence. Sans retracing, j'en peux plus. Alors tu sais que tu peux avoir du retracing sur Minecraft via des mods et via un shader qui est absolument incroyable, qui s'appelle le shader de Sonic Ether, qui est absolument incroyable. Cherchez si vous voulez. Il faut une très très grosse machine, mais pas forcément une RTX, et ça fait du path tracing. C'est assez extraordinaire, le shader de Sonic Ether, qui fonctionne sur Optifine. Eh ben, on te retrouvera avec un mode du meeting d'Emmanuel Macron de Minecraft en très bonne qualité, Guillaume. Peut-être qu'on te retrouvera. Il m'aurait demandé, ça n'aurait rien à voir. Hein. Bah, j'imagine bien. Mais bon, écoute, ce sera peut-être pour dans 5 ans, on va savoir. Rendez-vous peut-être d'ailleurs aussi dans les urnes hein, au moment où vous écoutez cet épisode. En attendant, je suis donc Guillaume Vendée. Vous me retrouvez aussi, bah tiens, sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Sur Twitter, le réseau social animé par Elon Musk, enfin pas encore, mais peut-être dans un avenir à moyen long terme. Instagram, sur Twitch, vous me retrouvez aussi régulièrement dans ReLife, un autre podcast sur l'amélioration du quotidien. Ça s'écrit R-E-L-I-F-E. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup d'envisager, toute blague mise à part, votre soutien via Patreon. C'est évidemment très, très précieux pour nous de savoir que vous rejoignez la plateforme en financement participatif. En attendant, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.